Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Je voudrais ce soir que nous nous arrêtions sur une prophétie essentielle qu'on trouve dans ce livre, qui est la vision de la grande statue qu'avait rêvé le roi Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, il y a deux types de textes. Il y a des textes de nature narrative qui évoquent des incidents de la vie de Daniel ou de son entourage, et il y a des textes qui sont des visions, des révélations. Il serait évidemment aussi intéressant de s'arrêter sur ces textes où il est question d'incidents de la vie du prophète, mais nous voulons nous arrêter plus particulièrement sur les textes à caractère prophétique, puisque c'est notre sujet, et c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas de ces textes bien connus, tels que Daniel dans la fosse au lion, l'histoire des trois amis de Daniel jetés dans la fournaise ardente, et d'autres textes du même ordre. Il y a, parmi les visions et les révélations que contient ce livre, un texte qui est particulièrement important, c'est le chapitre 2 du livre du prophète Daniel sur la grande vision, la grande statue plutôt, qu'avait rêvé le roi Nebuchadnezzar. Avant d'entrer dans cette étude, je voudrais faire encore deux remarques d'ordre général par rapport au livre de Daniel lui-même. Ce matin, nous avons lu en deuxième partie de notre lecture la fin du chapitre 12 du prophète Daniel, où il était question d'un livre qui était scellé. Et c'est ce qui nous avait amené à dire que le livre de Daniel était un livre difficile. Livre scellé, c'est effectivement une manière de dire que c'est un livre difficilement compréhensible. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour pouvoir le comprendre, il faut aussi une sagesse, une révélation de Dieu. Cette révélation dont nous avons parlé ce matin et sur laquelle nous nous étions arrêtés. Mais il y a un autre détail que je voudrais aussi souligner. C'est que l'homme de Dieu lui-même, Daniel, n'a pas compris le sens de ses visions. Et ça, il le dit à l'ange, « J'entendis, mais je ne compris pas. » Il a reçu l'ordre d'écrire fidèlement ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, ce qu'il a fait. Mais ce livre doit être scellé, c'est-à-dire rester incompréhensible. Et incompréhensible même de Daniel lui aussi. Et Daniel s'étonne. « Mon Seigneur, lui dit-il, quelle sera donc l'issue, la fin de ces choses ?» Et l'ange lui dit, « Daniel, ne cherche pas à comprendre, parce que tu ne le pourras pas. » Tu ne le pourras pas pour une raison très simple, c'est que ce que tu as vu là ne te concerne pas, ne concerne pas ton temps. Tu n'as donc pas besoin de comprendre ce qui a été écrit. Le temps pour lequel tu as écrit, c'est le temps de la fin. Et toi, tu n'es pas encore au temps de la fin. Non seulement tu n'es pas encore au temps de la fin, mais pour toi, ce temps de la fin est encore très éloigné. Et jusqu'au temps de la fin, ce livre sera un livre fermé, ce sera un livre incompréhensible. Ça, je voudrais le souligner avec force. Il y a, notamment dans les Apocalypses, ce que la Bible appelle des mystères. En hébreu, ça se dit « ratz » ou bien « sod ». Ce sont deux mots qui sont pratiquement synonymes. Un mystère, c'est une réalité que l'homme ne peut pas comprendre par son intelligence. Et pour le comprendre, il a besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Mais cette révélation, elle n'aura lieu que pour des hommes choisis, dans des temps choisis. Par conséquent, dit l'ange à Daniel, ces choses-là resteront mystérieuses jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire, jusqu'au moment où ceux qui vivront à cette époque de la fin auront besoin de savoir, afin qu'ils puissent adapter leur conduite en fonction de ces temps difficiles dans lesquels ils vivront. Et c'est pourquoi, nous dit l'ange, ce n'est que dans les temps de la fin que la connaissance augmentera, ça veut dire la connaissance, la compréhension de ces mystères. Et dans ce temps-là, ce temps de la fin, des hommes sages comprendront. Parce que, comme nous l'avons vu ce matin, pour pouvoir être au bénéfice de la révélation du Saint-Esprit, il faut aimer Dieu et le craindre. Au temps de la fin, seuls ceux qui seront animés par ces sentiments seront au bénéfice de cette révélation de Dieu. Mais par contre, dit l'ange, aucun des méchants ne comprendra. Je vous ai dit ce matin que le livre de Daniel devait être lu à la lumière du livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse de Jean se réfère constamment au livre du prophète Daniel. Et je voudrais que nous lisions simplement quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 1er. « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au-dedans et en dehors, et scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et enfin, à la fin du livre de l'Apocalypse, il est aussi question d'un livre. Verset 10 du chapitre 22, il me dit, « Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore. » Au début de l'Apocalypse de Jean, quand il commence à avoir sa vision, Jean voit un livre scellé, scellé de sept sceaux. Peut-être conviendrait-il d'expliquer ce que c'est qu'un livre scellé sur le plan, disons, pratique matériel. Quand nous parlons d'un livre, là aussi notre langue nous joue un peu des tours. Quand nous parlons d'un livre, nous parlons de quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, avec des pages que l'on tourne, c'est ce que les spécialistes appellent un codex. Son nom scientifique est celui-là. Mais, dans la Bible, il y a un autre type de livre. Un livre qui est un rouleau. Comme celui que l'on emploie encore chez les Juifs aujourd'hui quand on lit la Torah dans la synagogue. Quand on lit la Torah dans la synagogue, il est interdit de la lire à partir d'un codex, ça veut dire d'un livre avec des pages. On doit nécessairement la lire à partir d'un rouleau écrit à la main comme dans l'Antiquité. Et quand vous avez un livre, ça c'est un livre pour la Bible. Quand vous avez un livre que vous avez écrit sur des colonnes, on l'enroule et on l'attache avec une cordelette pour qu'il ne se déroule pas, que l'on scelle avec un sceau de cire. Et quand on veut lire le livre, on est obligé de rompre ce sceau pour pouvoir ôter la cordelette et pour pouvoir lire la première colonne. Quand on a lu la première colonne, on peut dérouler un peu plus loin et on lit la deuxième colonne. Et en même temps, on enroule le livre de cette manière-là, jusqu'au moment où on arrive à la fin du livre. Le livre scellé, ce livre que Daniel a reçu de l'ange l'ordre d'écrire, il était de cette nature. C'était un livre roulé et scellé avec des sceaux pour que seuls les ayants droit puissent le lire. C'était aussi, quand on parlait d'une lettre, on pouvait employer aussi le mot d'un livre. Une lettre ou un livre, c'est synonyme dans la Bible. Et de la même manière que quand vous envoyez une lettre à un correspondant, vous cachetez l'enveloppe pour que ceux qui n'ont pas à la lire ne le fassent pas. De la même manière, on cachetait la lettre ou le livre pour que seuls ceux qui étaient autorisés à le lire puissent le faire. Le livre de Daniel est donc cacheté, il est donc scellé de cette manière. Et ce livre, nous le retrouvons plus de 400 ans plus tard, dans la vision que Jean a de dans l'Apocalypse. Un livre est amené, un livre qui est scellé de sept sceaux. Quel est ce livre? Quand nous lisons la suite du livre de l'Apocalypse, nous constatons qu'il n'est rien d'autre que le livre de Daniel. Ce livre qui était scellé, ça veut dire qu'il était resté incompréhensible jusqu'ici, et qui maintenant va être décellé, ça veut dire va être lisible, il va être compréhensible. Et non seulement il va être lisible et compréhensible, mais tout ce qui est annoncé dans ce livre va alors s'accomplir sur la terre. Pourquoi a-t-il fallu attendre le temps de Jean pour que le livre de Daniel devienne compréhensible? Tout simplement parce que le temps de la fin n'était pas arrivé. L'ange l'avait dit à Daniel, scelle ce livre, car il s'applique à des temps éloignés. Il est intéressant de noter qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, de la même manière que Daniel avait reçu de l'ange l'ordre d'écrire dans un livre tout ce qu'il avait vu et entendu, Jean reçoit aussi cet ordre de l'ange. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Et là où l'ange avait dit à Daniel, scelle ce livre, parce que il s'applique à des temps éloignés, l'ange dit, le même ange, dit à Jean, ne scelle pas la prophétie de ce livre, car le temps est proche. 400 ans se sont passés. 400 ans qui font que le moment est venu pour pouvoir comprendre les prophéties du livre de Daniel. Et c'est pourquoi je vous disais, il nous faut comprendre le livre de Daniel à la lumière de l'Apocalypse et des évangiles. Parce que les évangiles y font aussi constamment référence. Il y a dans cette parole qui a été adressée par l'ange à Jean de Patmos, très exactement, il y a cet ordre de ne pas sceller le livre. Et quand ce livre a été amené d'une manière scellée, le livre de Daniel, cette fois-ci, puisque Jean reçoit l'ordre d'écrire un deuxième livre, mais ce livre qui est présenté scellé, l'ange pose une question à toutes les créatures célestes qui sont dans le temple, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, bref, tous ces êtres que ce même livre de Daniel appelle les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les créatures célestes, les créatures angéliques. Et il pose la question, qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? C'est-à-dire de donner l'explication, l'interprétation du livre. Et parmi ces êtres que la Bible appelle les saints du Très-Haut, personne n'est trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est dire s'il y a là des mystères profonds. Et c'est là aussi une manière de nous mettre en garde nous-mêmes, en nous disant attention à la manière dont vous lisez ces choses. Ne soyez pas légers et ne soyez pas, disons, de ceux qui donnent des interprétations hâtives. tendancieuse de ce livre. Il y a des mystères. Il y a des mystères qui ne seront révélés qu'à la fin. Et si déjà un certain nombre de ces mystères sont compréhensibles, tout ne l'est pas forcément encore. Et il convient donc de ne pas vouloir donner à tout prix des explications de ces choses complexes, ce qui est notre tentation d'occidentaux. En tant qu'occidentaux, nous voulons tout comprendre, nous sommes cartésiens, nous voulons tout mettre en équation, et nous ne laissons pas de place au mystère à l'inverse des orientaux. Il faut donc s'approcher avec beaucoup de précaution de ce livre. Nous entrons sur une terre sainte. Il y a dans la tradition juive, comme dans le Nouveau Testament aussi, cette idée que certains textes de l'Écriture, les anges eux-mêmes ne le comprennent pas. Si les anges ne comprennent pas, alors que dire de nous? Mais il y a la révélation de Dieu. Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux? Personne ne fut trouvé digne. Et Jean pleurait. Quand l'ange lui dit non, ne pleure pas, car il y a au moins quelqu'un qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Messie, c'est Jésus. Et Jésus va prendre ce livre scellé, ce livre de Daniel, et il va le déceler, il va le dérouler, il va le lire, et il va l'exécuter sur la terre. Pourquoi? Parce que ces mystères cachés, que même un homme de Dieu aussi extraordinaire que ne l'était Daniel, n'a pas pu comprendre avec toute la sagesse qui était la sienne. Ce livre, la compréhension de ce livre, c'est Jésus qui nous en donne la clé. C'est Jésus qui est l'explication de ces textes. Et ce même livre de l'Apocalypse nous dit que c'est l'Esprit de Jésus qui est l'explication de la prophétie. C'est pourquoi au centre de ce livre du prophète Daniel, il y a la personne de Jésus, la personne du Messie, dans lequel et par lequel en lui seulement ce livre prend tout son sens. Il est la clé, et non seulement il est la clé, mais il nous en donne l'explication. Maintenant, nous allons aborder l'étude du chapitre 2 de ce livre du prophète Daniel. Je voudrais non pas lire l'ensemble de ce long chapitre pour gagner un petit peu de temps, mais je voudrais tout simplement lire à partir du verset 31. Le début, je le résume, si vous ne le connaissez pas, vous le relirez tranquillement. Daniel est à la cour du roi de Babylone. Il faut peut-être dire un mot aussi sur Daniel lui-même. Daniel, qui appartenait à l'aristocratie du royaume de Juda, avait été victime de la première des déportations qui avait touché le royaume. Il semble bien qu'il y ait eu une première déportation qui a eu lieu en 606 avant Jésus-Christ. Et Daniel et ses trois camarades, dont nous avons parlé ce matin, ont été déportés en Babylonie à cette date. Daniel et ses amis étaient alors extrêmement jeunes. Et Daniel va jouir d'une longévité assez exceptionnelle. Il nous est dit qu'il verra non seulement tout le royaume de Babylone depuis Nebuchadnezzar jusqu'à son effondrement en 586 avant Jésus-Christ, mais qu'il verra même le début du royaume de l'Empire perse. Et on pense que Daniel est mort très âgé, il devait avoir entre 90 et 100 ans quand il est décédé. Mais, malheureusement pour lui, la majeure partie de son existence s'est déroulée en Babylonie, c'est-à-dire en exil. Et les prophéties, les visions qu'il a eues, ou qu'il a été amené à expliquer, comme Joseph l'avait fait pour le Pharaon, concerne effectivement cette période de l'exil, du retour d'Israël dans son pays, et aussi de la fin des temps. Et alors qu'il se trouve sélectionné, si j'ose dire, par le roi de Babylone, comme représentant l'élite de la jeunesse israélienne, il va se trouver amené à être totalement, si j'ose dire, babylonisé. Il va être élevé dans la science et dans la sagesse des Chaldéens, et on va même changer son nom. On va lui donner le nom de Belshazzar, c'est-à-dire adorateur du dieu Bel, qui était un des dieux du panthéon babylonien. Et voyez-vous, le but du roi était terrible. C'était tout simplement priver ces jeunes gens de leur identité, et notamment de leur identité juive. C'était les dépersonnaliser et faire d'eux, en fait, des Babyloniens pour qu'ils s'intègrent et qu'ils s'assimilent dans la société babylonienne et qu'ils cessent de se souvenir de leurs origines. Daniel avait bien compris ce qu'était ce plan diabolique du roi, qui ressemble à celui de tous les tyrans qui ont essayé de faire périr Israël quand ils ne réussissaient pas à le faire par le fer et le feu, on le faisait par l'assimilation, et c'est à cette assimilation, cette tentative d'assimilation que Daniel et ses amis vont être confrontés. Alors il reçoit l'éducation, le top niveau de l'éducation que l'on peut donner à Babylone, qui était à elle-même le top de la civilisation de l'époque. Et parmi les meilleurs, avec ses trois amis, il est parmi les meilleurs. Et c'est alors que le roi a ce rêve étonnant. Un rêve qui l'a marqué, c'est pas un rêve banal. C'est véritablement un rêve prophétique. Le problème, c'est que ce rêve, il l'a oublié. Il sait qu'il a fait un rêve qui l'a fortement marqué, qui l'a fortement impressionné, mais il est incapable de raconter ce rêve. Il ne lui en reste qu'un souvenir très brumeux. Alors il rassemble ses sages, ses magiciens, ses astrologues, nombreux à la cour de Babylone depuis toujours, et il leur dit « Donnez-moi l'explication de ce rêve. » Et les sages répondent « Parfait, c'est pas un problème. Raconte-nous le rêve et nous allons t'en donner l'explication. » Et le roi dit « Oui, mais le problème, c'est que j'ai oublié le rêve. Si vous êtes devin, si vous êtes magicien, comme vous le dites, vous devriez être capable de me rappeler ce que j'ai rêvé. Mais attention, ne dites pas n'importe quoi. J'ai oublié le rêve. Mais j'ai quand même quelque chose dans mon esprit, un vague souvenir de ce que j'ai rêvé. Et si vous me racontez le rêve, je saurai si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et malheur à celui qui s'amuserait à raconter au roi quelque chose qui n'est pas juste, parce que le roi le saurait et le sort du malheureux serait alors terrible. » Et les magiciens disent « Mais au roi, c'est impossible, aucun homme n'est capable de faire une chose pareille. Il faut que tu nous racontes le rêve, et quand tu nous auras raconté le rêve, on te donnera l'explication. » Alors dialogue de sourds entre le roi et les magiciens. Et le roi dit « Bon, ben écoutez, si c'est comme ça, c'est la preuve que vous êtes des bons à rien. C'est la preuve que toute votre magie, elle ne vaut strictement rien. Et puisque vous ne servez à rien, on va vous supprimer, on va vous éliminer. » Ordre est donné à la garde du roi d'éliminer tous ces faux devins, magiciens, astrologues et tout ce qui s'ensuit. Et bien entendu, Daniel et ses amis sont dans le lot. Et quand on vient pour l'exécuter, Daniel est surpris, dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors on lui explique. Daniel dit « Non, je ne suis pas plus malin que les autres dans ce domaine-là. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de révéler les secrets. Donne-moi 3 jours. Je vais prier. Et Dieu va révéler ce que le roi a rêvé. » Et 3 jours après, effectivement, après avoir prié avec ses amis, Daniel reçoit la révélation de ce que le roi a rêvé, et en même temps, il connaît l'explication, l'interprétation du rêve, et c'est ce que nous lisons maintenant au verset 31. « Ô roi, tu as un rêve, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant le roi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des dieux, des cieux, t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, et de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ainsi que tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans secours d'aucune main, elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver à la fin. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Daniel dépeint au roi 4 empires qui doivent se succéder sur la face de la terre jusqu'à la fin. 4 empires qui commencent par l'empire babylonien. Cet empire qui est semblable à une tête d'or pur. Ces 4 empires sont en effet symbolisés par 4 éléments dont la statue est composée. On va du plus précieux, l'or, jusqu'au plus vil, l'argile. Ce qui veut dire que contrairement à l'idée qui court dans nos pays et dans notre civilisation, on ne va pas vers un progrès constant de l'humanité, vers des lendemains qui chantent. Mais bien au contraire, c'est une décadence, c'est un déclin irréversible et irrémédiable de l'humanité et de la civilisation humaine à laquelle on va assister depuis le temps de Daniel jusqu'à la fin. 4 empires, l'or, l'argent, le bronze, et puis le fer et l'argile. Ces 4 empires, ils vont se succéder chronologiquement. Là, l'explication est parfaitement claire. L'explication et la signification, l'identification plus exactement de ces 4 empires, nous est donnée et suggérée par l'explication qu'en donne Daniel. Le premier empire, la tête d'or, est l'empire babylonien. Tous les commentateurs sont d'accord pour reconnaître que l'empire qui succède à l'empire babylonien, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, représenté par la poitrine d'argent. Puis, un troisième royaume qui est représenté par le bronze. Et là aussi, quand nous considérons l'histoire profane, nous constatons que à l'empire médo-perse a succédé l'empire des Grecs d'Alexandre le Grand, que le livre de Daniel appelle Yavan, du mot hébreu, qui signifie la Grèce. Et puis, il est question d'un quatrième empire, qui est semblable à du fer, et qui a deux parties, si j'ose dire, deux temps. Une partie où il est monolithique, il est entièrement composé de fer, et une partie où il est composé d'un alliage absolument hétérogène entre du fer et de l'argile. Ce qui veut dire que c'est tout le système de la civilisation humaine incarné et représenté par cette statue qui est fragilisée. Et le texte nous dit « Dans le temps de ces rois, se détache de la montagne une pierre qui vient frapper les orteils de la statue, ces orteils qui sont à la fois de fer et d'argile, ça veut dire au point faible de la statue. Et c'est tout cet ensemble de la civilisation humaine, l'ensemble de cette statue qui disparaît. Et cette petite pierre qui s'est détachée de la montagne sans secours d'aucune main, ça veut dire qui n'est pas quelque chose d'humain. C'est Dieu qui est intervenu. Dire que la pierre s'est détachée de la montagne sans secours d'aucune main, c'est dire que c'est une intervention de Dieu. Et cette pierre grandit énormément, devient une énorme montagne qui remplit toute la terre. Et qui, selon l'explication que donne Daniel, devient un cinquième royaume, un royaume qui ne périra jamais, un royaume qui n'est autre que le royaume de Dieu. Je vous ai dit ce matin que le livre de Daniel donnait un certain nombre de notions fondamentales qui sont reprises dans le Nouveau Testament. Une de ces notions fondamentales, c'est la notion du royaume de Dieu. Je vous ai dit que les paraboles de Jésus étaient elles aussi des paraboles, un genre littéraire, qui s'apparentait avec la littérature de la sagesse. Ça veut dire avec le livre du prophète Daniel. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a commencé à prêcher, à l'instar de Jean, sa prédication était, se résumait de la manière suivante, « Repentez-vous, car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est proche. » Jésus prêchait le royaume de Dieu. Et cette idée du royaume de Dieu, nous la rencontrons ici pour la première fois dans ce texte de la fin du chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Ce qui veut dire que pour que le royaume de Dieu s'instaure sur la terre, car c'est sur la terre qu'il doit s'instaurer, non pas dans le ciel. Et là, quand nous parlons du royaume des cieux, on est parfois piégé. Parce que l'on considère, on fait de cette expression l'idée que le royaume, c'est quelque chose qui est situé au-delà de la terre, dans le ciel, et par conséquent qui ne compte le nom de Dieu. De peur de prendre en vain le nom de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le Décalogue, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Et pour éviter de prendre le nom de Dieu en vain, on ne prononce jamais le nom de Dieu. Et on emploie des périphrases. Adonai, le Seigneur. Hachem, le nom. Et aussi Hachamaim, le ciel. Dire royaume des cieux, c'est dire exactement la même chose que royaume de Dieu, mais d'une manière qui n'est pas choquante pour les Juifs. Royaume de Dieu et royaume des cieux, ça signifie exactement la même chose. Et quand nous voyons justement ici cette prophétie de la statue de Daniel, nous constatons que ce royaume, ce n'est pas un royaume qui est situé au-delà de l'histoire, au-delà de la terre, mais c'est un royaume qui va s'établir sur cette terre, une terre renouvelée, une terre purifiée de tous ces empires humains qui l'ont précédé, ces quatre empires humains qui l'ont précédé. C'est une réalité qui est à la fois terrestre et céleste, parce que, en même temps, c'est vrai, c'est quelque chose qui vient sans le secours d'aucune main. Ça veut dire qu'il ne vient pas par les efforts des hommes. Jésus employait l'expression « royaume des cieux » pour une autre raison. Parce qu'il y avait de son temps un groupe de juifs que l'on appelait les zélotes. Et ces gens-là étaient des gens qui aussi, à leur manière, attendaient le royaume de Dieu. Plusieurs textes du Nouveau Testament nous disent que le peuple d'Israël, à cette période-là, était dans l'attente de ce royaume. Et à la fin de l'Évangile de Jean, nous entendons parler d'un certain Joseph d'Arimathée, qui était un des membres du Sanhédrin, qui était un homme riche, un homme qui va d'ailleurs prêter le tombeau qu'il s'est fait creuser pour lui-même pour y ensevelir Jésus. Et cet homme va oser aller demander à Pilate le corps de Jésus pour l'enterrer décemment, alors que selon la loi romaine, tout condamné à mort par crucifixion était ensuite jeté dans la fosse commune. Jésus va échapper à ce sort grâce à cet homme dont il nous est dit qu'il était juste et qu'il attendait le royaume de Dieu. Par conséquent, il y avait tout un ensemble du peuple d'Israël qui attendait le royaume de Dieu. Ça veut dire l'accomplissement des prophéties de Daniel. Voyez-vous, déjà à l'époque de Jésus, le livre de Daniel jouait un rôle essentiel, central, dans les espérances du peuple d'Israël. Et quand on parlait du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, encore une fois, ça veut dire la même chose. Le problème était de savoir comment va venir ce royaume. Et là, il y avait des opinions divergentes. Les pharisiens, par exemple, disaient une chose qui était assez juste, qu'on retrouve un petit peu dans le Nouveau Testament. Il faut que le peuple d'Israël se repente. Et si le peuple d'Israël se repent, Dieu le délivrera de ses ennemis, et il enverra le Messie, et par conséquent le royaume de Dieu, puisque le Messie, qu'est-ce que ça veut dire Messie? Ça veut dire le roi qui a été oint. L'expression entière, c'est « Meler HaMashiach », le roi qui a reçu l'onction. En abrégé, on dit « Mashiach », ça veut dire en français tout simplement « Messie », et ça veut dire aussi « Christ ». Christ, c'est la traduction grecque du mot « Mashiach » en hébreu. Et quand nous disons « Jésus-Christ », nous disons seulement une chose, « Jésus est le Messie d'Israël » ou encore « Jésus est le roi d'Israël ». Ça veut dire « Il est le roi du royaume de Dieu » car le royaume de Dieu, c'est le royaume d'Israël. Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient à mon atelier, citant la parole de l'ange à Marie au moment de l'Annonciation, l'ange lui dit « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Cette parole de l'ange Gabriel à Marie n'est rien d'autre qu'un commentaire de cette expression de Daniel que nous avons trouvée dans cette prophétie de la grande statue, où il est question de ce royaume qui ne finira jamais. Et Jésus, le roi de ce royaume, le roi d'Israël, celui qui s'assiera sur le trône de David, car comme je le disais aussi, que le trône de David, c'est quoi? C'est pas quelque chose à l'ONU. C'est pas le trône de la reine d'Angleterre, ni celui du roi d'Espagne. Le trône d'Israël, le trône de David, c'est bel et bien le trône d'Israël. Ce royaume de Dieu, ce royaume prophétisé ici par Daniel, c'est un royaume qui part d'Israël. Et qui, comme le dit cette prophétie, où cette petite pierre vient frapper les pieds de la statue, de cette immense réalisation de la civilisation humaine. Et non seulement elle détruit cette petite pierre minuscule, insignifiante, méprisable. Et les sages d'Israël ont fait une assimilation de cette pierre avec la pierre dont il est question dans le psaume 118. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Et cette petite pierre minuscule, cette petite pierre aussi insignifiante qu'est l'État d'Israël de nos jours, cette pierre va frapper les pieds de la statue, la détruire, et elle va grandir énormément jusqu'à remplir toute la terre. Ça veut dire que ce royaume dont Israël sera l'embryon quand le Messie reviendra, étendra son autorité sur la terre entière. Ce sera un royaume universel et ce sera un royaume qui sera un royaume sans fin. Voilà ici ce qu'annonce le prophète et voilà ce que confirment les textes du Nouveau Testament et notamment les évangiles mais aussi l'Apocalypse à partir de ce que nous avons lu tout à l'heure, notamment ce livre décelé. Ça veut dire que maintenant que Jésus vient, eh bien, ce qui était caché, ce qui était simplement une promesse, va commencer à se dérouler, va commencer à se réaliser dans l'histoire, jusqu'à ce qu'effectivement, eh bien, ce royaume puisse remplir toute la terre. Maintenant, ce royaume, la pierre, nous l'avons vu, elle se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça veut dire, elle ne vient pas par des moyens humains. Et c'est pourquoi Jésus reprenait ce que déjà avant lui les pharisiens disaient, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, la venue du royaume est proche. Et plus vite vous vous repentirez, plus vite vous reviendrez dans les voies de Dieu, et plus vite le Seigneur enverra ce royaume. Et en agissant de cette manière, en parlant de cette manière, Jésus s'opposait à un autre parti très actif en Israël à ce temps-là, les Zélotes. Les Zélotes, eux aussi, attendaient la venue de ce royaume prophétisé par Daniel. Mais contrairement aux pharisiens et à Jésus, ils pensaient que ce royaume viendrait par la pointe de l'épée et qu'il convenait de chasser militairement les Romains de Judée en provoquant une révolte généralisée contre l'occupant romain. Et ce sont ces zélotes, nous dit d'ailleurs l'historien juif Flavius Joseph, qui en 66 après Jésus-Christ, lancèrent la grande révolte contre les Romains, qui, 4 ans plus tard, en 70, devait s'achever par la destruction de Jérusalem et par la déportation des habitants de Jérusalem dans toutes les nations, c'est-à-dire par la catastrophe et par la ruine. Jésus avait entrevu ces choses. Et Jésus, qui était violemment anti-zélote, avait essayé justement d'avertir le peuple pour qu'il ne suive pas ce parti extrémiste, parce qu'il prévoyait que cela ne pourrait aboutir que dans une catastrophe sans aucun précédent. Catastrophe, d'ailleurs, dont nous aurons l'occasion de voir que Daniel avait déjà parlé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus employait l'expression royaume de Dieu, royaume des cieux, pardon, c'est-à-dire royaume qui vient par l'intervention de Dieu. Elle vient d'en haut, il vient d'en haut ce royaume. Il vient sans le secours d'aucune main, sans que les hommes ne fassent quoi que ce soit pour amener ce royaume, si ce n'est prier et se repentir. La seule réalité qui puisse hâter la venue du royaume de Dieu, c'est la prière et la repentance du peuple de Dieu. Et ce message, qui était un des messages essentiels de Jésus, est encore valable de nos jours. Il y a différentes formes de zélotisme de nos jours. Et notamment, cette idée que par les efforts des hommes, ce que l'on appelle les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non, par le progrès scientifique, par le biais du progrès technique, eh bien, petit à petit, on va réussir à transformer ce monde pour en faire le royaume de Dieu sur la terre. C'est une forme de zélotisme. et c'est contraire à l'enseignement de la Bible. C'est contraire à ce que nous trouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, où la nouvelle Jérusalem dont nous avons parlé descend du ciel et ne monte pas de la terre, elle ne monte pas des hommes, elle n'est pas une construction humaine, elle est un don de Dieu, elle est don de la grâce de Dieu, exactement comme l'est ici le royaume. La nouvelle Jérusalem et le royaume, c'est presque deux notions qui sont semblables. Et cela ne peut venir que de Dieu. Tout ce que peuvent faire les hommes pour le hâter, et c'est Pierre qui nous rappelle ça aussi dans ses épîtres, c'est de vivre une vie sainte qui glorifie le Seigneur et de prier la prière du Notre Père. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est de cela qu'il s'agit. Et quand nous prions le Notre Père, ce qui est le fait de toutes nos églises, nous oublions souvent ce que cela signifie. Et nous oublions qu'au centre de la prière du Notre Père, il y a la demande de la venue du royaume. Pierre nous dit quelque chose d'étonnant, alors que de nombreux textes nous disent que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et nous retrouvons l'idée de ces mystères que nous avons évoqués tout à l'heure en commençant. Mais il nous dit aussi que, paradoxalement, bien qu'il semble que le jour et l'heure soient fixés de toute éternité par Dieu, Pierre nous dit, vous pouvez hâter la venue de ce royaume par votre manière de vivre sainte et irrépréhensible. Alors, je ne sais pas comment expliquer ce paradoxe-là, peu importe. C'est un de ces mystères, justement, qu'il nous faut éviter d'essayer de sonder. C'est des choses qui nous seront révélées au dernier jour. Par conséquent, ce royaume de Dieu, ou ce royaume des cieux, qui viendra au temps de la fin, va supplanter tous les empires humains. Ces empires, qui tous aussi, à leur manière, ont voulu créer un empire universel. L'idée d'un empire universel, elle hante les rêves de l'humanité depuis le commencement. Et notamment, dès le chapitre 11 du livre de la Genèse, nous voyons cette humanité qui est issue du déluge, qui est réchappée du déluge, qui arrive dans cette plaine de Shinéar, c'est-à-dire la Mésopotamie, et là, qui va essayer de construire le premier empire universel humain, qui déjà n'est autre que Babylone, dont il est question ici, la tête d'or. L'épisode de ce que l'on appelle la tour de Babel n'est autre que la première tentative de créer un empire humain, où, comme nous disions ce matin, Dieu est exclu. Un paradis sans Dieu. Et Dieu va intervenir pour empêcher ce qui serait de toute manière quelque chose d'invivable, intolérable. Car comme l'ont vu les sages d'Israël, cet empire ne peut être autre chose qu'un empire totalitaire. Un empire dans lequel les hommes, les individus sont esclaves. Et dans sa miséricorde, Dieu va empêcher la réalisation de cet empire humain. Et il va disperser les hommes pour qu'ils se divisent, nous l'avons vu ce matin, en 70 nations. Et c'est un acte de grâce de la part de Dieu. Et le texte nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, les hommes cessèrent de construire la ville. Ça veut dire, Babylone est restée inachevée. Et pourtant, le rêve de la grande Babylone n'a cessé de hanter l'humanité depuis cette époque où elle a été dispersée sur toute la surface de la terre. Et tous les grands conquérants qui ont marqué l'histoire humaine ont tous eu pour visée et pour rêve de reconstituer la grande Babylone inachevée et cette fois-ci de l'achever. Et quand nous regardons l'histoire humaine, nous constatons que jamais Dieu n'a permis cela. Tous les grands conquérants, que ce soit Jules César, que ce soit Napoléon, que ce soit Hitler, que ce soit tous ceux qui ont essayé justement de reconstituer et de reconstruire et d'achever cette grande Babylone, ont abouti au même échec que celui auquel Nimrod, le fondateur de la première Babylone, s'est heurté, c'est-à-dire Babylone est restée inachevée. Mais quand nous arrivons à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et 18, nous voyons Babylone enfin achevée. Là, nous assistons à la création de ce que l'on appelle aujourd'hui le grand village mondial. Babylone est cette ville qui s'étend sur toute la terre, qui étend son autorité sur toute la terre et qui est sous la domination d'une prostituée. C'est-à-dire d'une réalité qui, comme dans la première Babylone, s'élève contre Dieu, est exactement le contraire de l'épouse dont nous avons parlé. Et par conséquent, est l'expression même de cette ultime révolte contre Dieu. Et juste au temps de la fin, juste avant l'avènement du royaume messianique, Dieu va permettre que cette grande Babylone, pour un court temps, puisse être enfin achevée et puisse s'étendre sur toute la terre. Il est intéressant de noter qu'on parle de plus en plus de mondialisation de nos jours. On parle du grand village mondial. Et petit à petit, nous voyons justement cette grande Babylone qui est en train de se reconstruire, se reconstituer sous nos yeux et de s'achever. Avec toutes les conséquences auxquelles les individus vont être soumis, c'est-à-dire à un empire qui sera totalitaire et oppresseur, parce que c'est dans sa nature de l'être, il ne peut pas être autrement que cela. Autrement, il faudrait qu'il soit le royaume de Dieu. Et dans la Bible, il est très clair que le royaume de Dieu, eh bien, il ne peut venir qu'après la destruction de la grande Babylone. La destruction de cette Babylone est la condition sine qua non de la venue du royaume de Dieu et de l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces jugements apocalyptiques, ces jugements qui n'ont d'autre but que d'anéantir cette grande Babylone et de faire en sorte qu'elle soit remplacée par un autre empire. L'empire du Messie, un empire qui sera radicalement différent des autres. Il y a quelques jours de cela, j'étais à Strasbourg, on a des frères et sœurs qui étaient là à ce moment-là, et les frères qui me recevaient m'ont emmené voir le Parlement européen, le bâtiment du Parlement européen. Et ce bâtiment du Parlement européen a la forme d'une tour, et d'une tour inachevée. Il paraît que les constructeurs de ce Parlement avaient en filigrane dans leur esprit l'épisode de la tour de Babel. Et volontairement, ils l'ont laissé inachevé parce que la grande Babylone et la tour qui avait été construite étaient restées inachevées. Un véritable défi au Seigneur. Une véritable volonté de se moquer de la Bible et de se moquer de son enseignement. Cela ne restera pas impuni devant Dieu. Dieu voit des pareilles manifestations qui sont des manifestations de blasphème. Il attendait le royaume de Dieu. J'ai parlé de Joseph d'Arimathée tout à l'heure. Il y a aussi d'autres personnages bibliques dans le Nouveau Testament dont il nous est dit qu'ils attendaient le royaume de Dieu. Notamment, nous retrouvons au début de l'évangile de Luc ce vieil homme qui s'appelait Siméon, dont il nous est dit qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, c'est une autre manière aussi de signifier le royaume de Dieu. Il attendait ce royaume, non pas des hommes, de l'intervention des hommes, mais bel et bien de l'intervention de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et un autre prophète avait dit ceci, Ce n'est ni par la puissance des hommes, ni par la force militaire, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il y avait cette idée dans le judaïsme de l'époque, que ce royaume de Dieu y viendrait aussi par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Le Messie étant par excellence l'homme de l'Esprit, l'homme sur lequel l'Esprit serait déversé sans mesure, et il nous est dit, dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, « Par l'esprit de sa bouche, le souffle de sa bouche, il détruira le méchant, le nouveau Nimrod, le temps de son royaume, le roi de ce royaume impie. » On retrouve cette prophétie dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, qu'il attribue à Jésus. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et puis il est aussi question de cette vieille femme, Anne, la fille de Phanuel, âgée de 84 ans, qui parlait à tous ceux qu'elle rencontrait, tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem de Jésus, qu'elle avait aussi vu comme Siméon. Je termine en posant la question. Et tout simplement, en revenant aussi à la fin du livre du prophète Daniel. Heureux celui qui attendra, car il obtiendra le but, il arrivera au but. Bon, j'ai un peu raccourci le verset. Le verset nous dit ceci. Heureux celui qui attendra 1290 jours, car il arrivera à 1335 jours. Ne me demandez pas ce que représentent ces chiffres. Beaucoup ont essayé de spéculer sur la signification de ces chiffres. Je me garderai de le faire. Les sages d'Israël, d'ailleurs, nous ont mis en garde en disant que ce sont là des chiffres mystérieux, que dont la signification ne nous sera révélée que dans les derniers moments avant que ne vienne le Messie. Donc ne cherchons pas à comprendre la signification de ces chiffres. Mais je voudrais simplement retenir ces deux mots. Heureux celui qui attendra, car il arrivera. Il attendait la consolation d'Israël. Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Et ma question ce soir sera celle-ci. Qu'attendez-vous? Quel est l'objet de votre attente? Quel est l'objet de votre espérance? Est-ce que vous attendez des progrès de l'informatique? Est-ce que vous attendez une transformation de notre société par les hommes politiques? Alors, s'il en est ainsi, malheur à vous. Vous allez à la catastrophe. D'aucuns diront peut-être, moi j'attends rien du tout. Je vis ma vie tranquillement. J'essaie d'embêter personne, je veux pas que personne m'embête. Ça aussi, c'est une catastrophe. Heureux celui qui attendra. Et ce qui est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles ce livre scellé commence à être décellé depuis la venue de Jésus, c'est pour que nous vivions dans l'attente. L'attente, je pourrais en parler longuement, c'est une grande épreuve. C'est une épreuve à laquelle peu sont capables de résister. Et dans la parabole des vierges notamment, certaines de ces vierges n'avaient pas supporté l'épreuve de l'attente. Elles s'étaient assoupies, et quand le moment était venu, elles s'étaient trouvées dans la confusion. Et c'est pourquoi nous pouvons nous aussi succomber en face de cette épreuve de l'attente. Nous assoupir, nous endormir, ou comme ce mauvais serviteur dont il est question dans une autre parabole, nous dire « Mon maître tarde à venir !» Il se met à manger, à boire, à se quereller avec ses compagnons. Et son maître vient au moment où il ne s'y attend pas, il le met en pièces. Au contraire, dit Jésus, heureux ce serviteur, que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra, dans cette attente, sachant que son maître peut venir à tout moment, au début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit ou au milieu du jour. Il le trouvera dans cette position d'attente. Il lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint est-il sur vous en sorte que vous attendez la consolation d'Israël et le royaume de Dieu? Sinon, réveillez-vous de votre sommeil pendant qu'il est encore temps. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com